Unité 2, leçon 1. Document 1, page 26. Alors, Madame Mignot, vous avez beaucoup de temps libre maintenant. Vous vous levez tard? Oh non! Le matin, je me lève tôt, comme d'habitude. Mais maintenant, je ne me dépêche plus. Je prends mon petit déjeuner tranquillement. Après, je me douche, je m'habille et je m'occupe de mon chat. Et qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez plus au bureau? Non. Je vais au marché. Et à midi, où déjeunez-vous? Je mange chez moi. Je fais la cuisine. Seule? Pas du tout. J'ai des amis. Et l'après-midi, vous faites quoi? Vous vous reposez? Je me repose un peu. Et après, je me promène. Le soir, je suis fatiguée, alors je m'assois dans mon fauteuil et je regarde la télévision. Seule? Oh, mais vous êtes bien curieuse, vous.